Chapitre 6e. Échec à Toto. La maison de Boisselin se trouvait, avons-nous dit, au coin de la rue Gay-Lussac et de la rue Saint-Jacques, sur les terrains de l'ancien couvent, dont le savant, après la mort de sa femme, avait acheté une grande partie, presque un hectare. Puis, il avait fait bâtir une vraie ville scientifique, avec des laboratoires, des ateliers, des salles d'expérience. En vérité, Boisselin avait créé une des merveilles de Paris, occupant un personnel nombreux d'ouvriers, de préparateurs, d'étudiants. Du reste, resté toujours très simple, il faisait aimablement les honneurs de son sous-institut, comme il l'appelait, à quiconque se réclamait du titre de chercheur. Bien plus, il était très accueillant pour les inventeurs, mettant à leur disposition, pour des essais dont trop souvent l'inutilité se prouvait, ses locaux, son temps, son argent, poursuivant d'ailleurs lui-même, avec une inlassable persévérance, ses propres recherches, avec le concours de son hôte lui-même, M. Pointre, qui depuis 20 ans ne l'avait pas quitté un seul jour, effaçant sa personnalité derrière celle de son maître. Ce matin-là, vers 10 heures, Sir Edwin Terbill Gardiner, membre de l'université de Cambridge, professeur de biologie minérale, sonna à la porte de l'Institut Boisselin. Elle s'ouvrit aussitôt, et le savant anglais pénétra dans une vaste cour où des ouvriers, dirigés par des étudiants, étaient occupés à recevoir des sacs de plâtre, car c'était tout simplement du plâtre, SA0, S0, que le savant était parvenu à extraire le merveilleux boisselium qui était en train de révolutionner les conditions de la vie pratique. Sir Edwin était un petit vieux, vêtu d'une longue redingote fermée par un nombre infini de boutons et qui lui tombait jusqu'aux pieds. Un col bas et très blanc formait le point de jonction entre cette gaine noire et la tête, au visage très rouge, presque de couleur brique, d'où pendaient comme des nageoires des favoris s'éventaillant en pointe et d'une blancheur de neige. Il s'appuyait sur une canne assez mince dont la pomme, d'argent sans doute, apparaissait à peine entre ses doigts. Un jeune homme s'était immédiatement avancé vers lui et très poliment lui demanda l'objet de sa visite. Avec le flegme qui constitue la caractéristique de la race britannique, Sir Edwin, dont l'accent décelait l'origine, répondit qu'il désirait s'entretenir avec l'illustre claveur, Maître Boisselin. Invité à suivre son interlocuteur, il traversa un bâtiment spacieux, une porte fut ouverte devant lui. Il était invité à entrer, ce qu'il fit. Il se trouva alors en face d'un personnage qui, se levant de son fauteuil et abandonnant une longue table toute couverte de dessins, d'épures et d'échantillons de pierres de toutes sortes, vint au-devant de lui et lui adressa la question récidivée. « À quoi doit-on l'honneur de votre visite ?»« Je suis Sir Edwin Terbill Gardiner, membre de l'Université de Cambridge, professeur, etc. Et je désire parler à M. Boisselin. Est-ce vous ?» L'autre avait eu un mouvement imperceptible, comme de surprise. Il répondit « Non, monsieur, je n'ai pas cet honneur. Je ne suis que son préparateur, monsieur Pointre. Oh, je avais entendu parler beaucoup de vous, mais c'est monsieur Boisselin lui-même que je désirais entretenir. Monsieur Boisselin est fort occupé en ce moment. Cependant, je vais lui envoyer votre carte en lui faisant part de votre désir. Vous plaira-t-il attendre auprès de moi pendant quelques instants ?» Monsieur Pointre sonna, remit la carte avec une annotation au crayon, puis reprit sa place devant sa table. C'était un type intéressant que ce monsieur Pointre, dont le zèle et le dévouement devenaient légendaires. La forme de sa tête était curieuse et eût tenté un sculpteur. Le front, dépourvu de cheveux jusqu'à mi-crâne, était d'une largeur, d'une hauteur, ainsi que d'une proéminence invraisemblable. Ce front s'avançait en promontoire, comme une roche surplombant la mer, et il cachait les yeux qui restaient enfoncés sous les arcades sourcilières, mais se trahissait par deux rayons presque étranges à force d'acuité et qui semblaient darder de ses profondeurs comme deux flèches. Cet homme devait être extraordinairement intelligent et énergique. C'était bien celui dont Boisselin avait dit en pleine académie « Il est plus que mon collaborateur, il est mon entraîneur ». Depuis tant d'années, alors que le savant cherchait, éprouvant toutes les angoisses de l'espérance et du doute, allant de l'enthousiasme au découragement, de l'effort superbe à la lassitude brisée. C'était M. Pointre, qui, toujours froid, toujours égal à lui-même, passionné en dedans, mais transformant toute sa fougue en imbrisable volonté, avait soutenu, aidé, encouragé, réconforté son maître, ne lui permettant pas l'hésitation. En un mot, jouant devant le coureur de la science le rôle de l'entraîneur qui va toujours de l'avant. Une porte s'ouvrit, M. Boisselin parut. Un grand, maigre, presque filiforme, avec des cheveux embroussaillés, un nez énorme, de grands yeux d'épagneul, un air légèrement ahuri, naïf en tout cas, mais évidemment et essentiellement bon, un peu myope, ce qui ajoutait encore à sa physionomie un caractère quasi enfantin. Ce Redwin s'était dressé d'un élan comme cela détend d'un ressort. « Illustre maître, » commença-t-il. « Oh, je vous en prie, » dit Boisselin en souriant, « ne m'appelez pas maître. En France, cela veut dire surtout bien imbécile. Je vous demande pardon, mais je suis occupé, oui, oui, très occupé. Cependant, si je puis vous être utile en quoi que ce soit. » Il parlait franchement, d'une voix claire. Ah, celui-là ne posait pas. On l'eût pris pour un étudiant parisien de 10e année. « Ne pourrais-je pas visiter vos laboratoires ?» dit Sir Edwin, qui paraissait n'avoir pas très bien compris le maître. « N'est-ce que cela ?» répondit Boisselin. « Monsieur Pointre, je vous confie monsieur le professeur Terbil Gardiner. »« Vous me connaissez ?» demanda Sir Edwin. « J'ai lu votre carte, d'abord. Ensuite, j'ai entendu parler de vos travaux, et je les ai suivis avec intérêt. Je les trouve très intéressants. Nous en causerons, voulez-vous ? Visitez, visitez d'abord. » Et si je puis, je me mettrai à votre disposition. Mais vous savez, pour nous autres chimistes, quand le four chauffe... » Et il sortit en coup de vent, laissant Sir Edwin un peu désemparé. Les allures de Boisselin n'avaient rien d'anglais, oh non. « Sir, » dit M. Pointre en se levant, « je suis à vos ordres. » Le professeur anglais, quoique évidemment vexé d'avoir été conduit aussi familièrement par le savant Boisselin, fit contre fortune bon visage. Ils se dirigèrent vers la porte du fond par laquelle Boisselin était sorti. Mais au moment où ils allaient la franchir, l'autre porte, celle par laquelle Sir Edwin était venu, s'ouvrit, et le jeune homme qui lui avait servi d'introducteur parut, l'air quelque peu troublé, et adressant un signe à M. Pointre, l'entraîna dans un coin de la pièce et lui parla à voix basse, en lui montrant quelque chose qu'il cachait dans le creux de sa main. M. Pointre ne fit pas un mouvement, pas un geste. Seulement, si l'anglais eût été quelque peu observateur, il remarquait un certain roulement d'épaules qui indiquait un violent effort sur soi-même. Mais sans émotion apparente, il dit au jeune homme « Priez ce monsieur d'attendre. Menez-le au musée des gypses et des silex. Je vous rejoindrai tout à l'heure. » M. Pointre revint vers le visiteur, et lançant sur lui les rayons de ses yeux où semblaient s'être soudainement allumées deux flammes rouges. « Lisez ceci, » lui dit-il en lui présentant une carte de visite. Et Sir Edwin, membre de l'université de Cambridge, professeur de biologie minérale, lut ces mots gravés sur le vélin. Sir Edwin Turville Mortimer, membre de l'université, etc. Exactement les noms et titres qui étaient les siens. Malgré tout son flegme, il pâlit légèrement. Cependant, payant d'audace, il dit en anglais. « Then, what is the matter? I don't know that gentleman. » « Eh bien, qu'importe, je ne connais pas ce monsieur. » M. Pointre lui répondit du tac au tac dans sa langue. « Vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Je vous ai laissé jouer votre comédie tout à votre aise. Assez. Qui êtes-vous ? » Sir Edwin ne répondit pas tout de suite. Peut-être s'estimait-il dans une situation plus que délicate. M. Pointre se sentait évidemment envahir par la colère. Sa face se congestionnait et ses yeux devenaient de plus en plus étincelants. « Et s'il ne me plaît pas de vous répondre, » dit Sir Edwin, « je vous y forcerai bien, » s'écria M. Pointre dont la rage éclata. Il jeta les mains en avant pour saisir l'anglais à la gorge. Mais celui-ci, d'un coup de canne cinglé sur les doigts, le força à reculer. Alors M. Pointre, au paroxysme de la fureur, courut à sa table et y prit un marteau de géologue à pointe aiguë et le brandit vers son adversaire qui, encore une fois, d'un revers de sa canne, le lui fit sauter de la main, en lui disant d'une voix qui avait perdu tout accent anglais « Comme vous maniez bien le marteau, monsieur Pointre !»« Misérable !» hurla l'ami de Boisselin. « Vous êtes un imposteur. Je saurai bien qui vous êtes » ajouta-t-il en faisant vibrer le timbre électrique. Un serviteur apparut. « Allez au poste requérir de sergent de ville, » dit-il. « En attendant, vous et vos camarades, surveillez cet homme et qu'il ne sorte pas d'ici. » Pendant que le serviteur s'occupait à exécuter les ordres reçus, et appelait ses collègues pour prêter main forte à leur patron, Sir Edwin et M. Pointre restèrent seuls un instant. Mais ce pointre, dit ce Redouine en enlevant d'un tour de main sa perruque et ses favoris, vous avez raison. Je ne suis pas ce Redouine, je suis Toto Fouinard. Vous ? Cria M. Pointre. Oui, je vous reconnais. J'ai vu votre face maudite dans les journaux. Que voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? J'attendrai, dit froidement Fouinard, que les serpents de ville m'aient conduit chez le commissaire de police pour m'expliquer. M. Pointre était cramoisi, à tel point qu'on pouvait craindre une attaque. Il arracha sa cravate d'un mouvement convulsif. Voyons, voyons, fit-il, expliquez-vous. Encore une fois, qu'êtes-vous venu faire ici ? Pourquoi ce déguisement ? Je venais simplement voir M. Boisselin, afin de me convaincre que c'était un parfait honnête homme, tout à fait innocent de l'assassinat de sa femme. Hein ? Vous dites ? Nul ne l'a jamais accusé. Je le sais bien. Je voulais une certitude personnelle, rien de plus. Donc, ajouta-t-il, en scandant ces mots, je n'espérais pas avoir le bonheur de causer avec vous, M. Pointre. Mais voici vos serviteurs qui accourent pour s'emparer de moi et me livrer à la police. Ouvrez-leur donc la porte. M. Pointre regarda Fouinard dans les yeux, puis il ouvrit la porte et du geste congédia ceux qui l'avaient appelé. En même temps, il donnait à voix haute contre-ordre pour les agents de police, puis il revint vers Fouinard. « Dites-moi, dites-moi pourquoi vous vous êtes introduit ici ?»« Je vous l'ai dit, M. Pointre, et s'il le faut, je vous donne ma parole d'honneur que je n'ai pas eu d'autre intention que celle que je vous ai révélée. » Mais enfin, pourquoi réveillez-vous des souvenirs presque oubliés aujourd'hui ? Parce que je suis un curieux, monsieur Pointre. C'est par curiosité que, vous le savez peut-être, j'ai découvert l'assassin de la rue du Mont-Abord, le tueur d'enfants, l'empoisonneur au timbre-poste. Que voulez-vous ? C'est ma nature. Mais en l'affaire dont vous venez de parler, il n'y a rien à découvrir. L'assassin a été arrêté, condamné. Croyez-vous, monsieur Pointre ? Dit Fouinard. Allons, ne parlez plus. « Cela vaudra mieux, pour moi et pour vous. »« Ne regardez pas du côté de ce marteau, monsieur Pointre. »« Tenez, ouvrez-moi plutôt cette porte et laissez-moi passer. »« Il me déplairait que ma Justine dût me frayer mon chemin. » La physionomie de monsieur Pointre était effrayante. Cependant, commandant à ses nerfs tendus jusqu'à se briser, il s'écarta, ouvrit la porte et dit à Fouinard « Allez-vous-en !» Toto Fouinard remit sa perruque, recolla ses favoris, se coiffa de son chapeau de quaker et, la canne à la main, sortit. Avant de franchir la grande porte, il se retourna. M. Pointre était sur le seuil de son cabinet, et Toto sentit que la flamme de ses yeux le brûlait. À peine avait-il disparu que M. Pointre remint à son bureau, ouvrit un tiroir et prit un billet de 100 francs qu'il glissa dans une enveloppe avec une lettre de 2 lignes. Puis il écrivit sur l'enveloppe « MLVT, bureau 56, Paris ». Et, de l'air le plus indifférent, il alla jeter la lettre dans la moujotte à l'entrée de la cour.